Bonjour Bébert, ça va? Ça va? Hier j'ai été au cinéma. J'ai voulu me distraire. J'ai été voir un joli film. C'était un film américain. Il y avait rien que des vedettes. Oh, c'était beau. Oh. J'ai rien compris, mais c'était beau. C'était en parlant américain, c'était. Avec des sous-titres français. Comme je lis lentement à l'autre. Heureusement que les artistes étaient jolis, ça compensait. Il y avait Marilyn Monroe. Il y a Errol Flynn et Clark Gable. Je veux pas te vexer, mais on dit pas Marilyn Monroe, on dit Marilyn Monroe. Pas Errol Flynn, mais Errol Flynn. Flynn. Pas Clark Gable, comme tu dis si innocemment et si gentiment, mais Clark Gable. T'en sais des trucs, toi. Comment t'as dit le dernier, là? Clark Gable. Il y a écrit Gable. On a prononcé Gable. Ah. Moi, je vois écrit gars, je dis gars. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai toujours appris ça. C'est pas plus de 30 ans que je vais changer de prononciation. Reste en français. Et il y a une jeune fille, ok, elle était jolie. Oh, elle est, Diana Durbin. Non, on dit pas Diana Durbin, on dit Diana Durbin. Mais il y a écrit Durbin. On doit prononcer Durbin. Ah. Oh, on dit pas Jean Gabine. Reste en français. Dis-leur. On se promène tous les deux sur les Champs-Élysées. Ce que les Champs-Élysées ont changé depuis quelques années. C'est vrai, avant il y avait écrit café, bar, restaurant. Maintenant on voit plus écrit que drugstore, snack bar. C'est curieux, mais écoute, tu le fais exprès ou quoi? On dit pas drugstore, drugstore. Pas snack bar, mais snack bar. Il a écrit drugstore. On doit prononcer drugstore. Si tu le permets, c'est tout de même curieux, entre parenthèses, que les étrangers chez eux, ils écrivent restaurant, et puis que nous en France, on fout de snack et drugstore. Dis donc. Il paraît qu'on mange dans des trucs drive, comme tu dis. Tu viens avec moi? On rentre de, tous les deux? Tu me laisses pas tomber, hein? Je vais pas me faire remarquer. On va voir comment ça... Enfin, ça va être une attraction. Oh, dis donc, la porte qui s'ouvre toute seule. D'où ça vient, ça? Ben, hop, là, j'ai reçu dans le dos. Tu sais que t'es... Paf, il y a une glace d'image, alors. Par où on parle? Ah, t'es là. Oh, comme c'est curieux. C'est chromé. Ça brille, tout. Pharmacie. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est trompé, dis donc. Ah non. Bar. Ça sent la cuisine, donc on m'a rendu à manger. Et là, regarde la jeune fille qui vend des bas. C'est curieux, à cette heure-là. C'est tout écrit en étranger, là, t'as vu? Pourvu qu'on nous demande pas nos passeports. Menu. Hamburgère. Toi qui sors dimanche, qu'est-ce que ça veut dire, hamburgère? Hamburger, ça veut dire viande hachée. Mais alors, pourquoi qu'ils n'ont pas écrit viande hachée? Reste en français. Hot dog. Hot dog, textuellement, ça veut dire chien chaud. Ils bouffent du chien chaud, là? Bien sûr que non. Ça veut dire saucisse. Mais alors... On est aux Champs-Élysées, centre de Paris, capitale de la France. Pourquoi qu'ils n'ont pas écrit saucisse? Egg. E2GS. C'est egg. Egg sont des œufs. Alors, quand on veut des œufs en 1960, faut dire je veux des eggs. Tu me vois, moi, demain, chez ma crémière à Gennevilliers, tiens, je prendrais bien une douzaine d'eggs. Moi, j'ai un copain qui raconte des histoires. Je le vois pas en train de dire les aigles cassés 15 francs et les aigles pas cassés 20. Reste en français et écrivant, hein. Garçon. Moi, je dis pas barman, moi, je dis garçon. Tant pis si je te refais repérer, c'est comme ça. Garçon, deux rouges. Et du chouette, hein. Faut pas me la faire, hein. Moi, je suis pas irlandais, je suis un français moyen. Deux rouges, deux chouettes. Pas cette bouteille-là, monsieur, non. Monsieur, fais ce que tu veux, tu vois. La bouteille à côté, non. Là où il y a écrit gentil. Je suis peut-être chauvin, mais c'est comme ça. Moi, je n'emploie que des mots français que j'ai toujours entendus. Alors, deux chianti et deux steak pop chips. Regarde le garçon, il est tout étonné de voir quelqu'un qui parle français. Je voudrais vous payer, s'il vous plaît. Please. Please. Gate for you. Bon. Argent pour vous. C'est à moi que tu parles, petite tête. Oui, monsieur. Ben, tu me dois un sac. 4 louis et 3 thunes. Oh, ben où? Eh ben, on peut dire que vous parlez français. Je vous paye avec plaisir, vous. Allez, goodbye.